Here's what's new from the secret lab. Et nous avons en studio Raymond Poirier, conseiller en chargé de communication à l'Institut Technologie, Information et Société pour la chronique Technologie de l'Information. Salut Raymond. Bonjour. Ça va bien ce matin? Ça va très bien, ça va très bien. Ce matin, nous parlons de 3D. Oui, effectivement. En fait, l'Institut Technologie de l'Information et Société organise le 8 mars prochain, dans le cadre de notre série Midi Innovation TI, une conférence qui s'appelle Art, Santé, Sécurité, les multiples usages de la 3D. Et lors de cette conférence-là, ben, ça va être une occasion d'explorer, de découvrir les travaux et les perspectives qui sont développées, qui sont explorées au Laboratoire de Vision et Systèmes Numériques, LVSN, ici à l'Université Laval. Et je me suis dit qu'on pourrait profiter de la chronique d'aujourd'hui pour justement offrir aux auditeurs, auditrices un avant-goût des éléments qui seront explorés et en même temps voir un peu l'étendue des recherches qui sont développées là, au LVSN. Et pour en parler, eh ben, on a convié... Il est au bout du fil, le directeur du laboratoire, Denis Laurendeau. Bonjour. Oui, bonjour. Et Monsieur Laurendeau, en fait, quand on parle de 3D, j'ai l'impression que le premier élément auquel on pense, c'est la sphère du jeu vidéo. Mais quand on creuse un temps soit peu, on réalise à quel point cet outil-là peut être utilisé dans une grande variété de domaines. Oui, en effet, le jeu vidéo, ce n'est qu'une la pointe de l'iceberg par rapport à toutes les applications qui peuvent bénéficier des informations qu'on peut tirer des capteurs 3D. Dans différents domaines médicaux, comme vous avez fait mention précédemment, les arts, les interfaces personne-machine sans contact, on pense à la caméra Kinect, par exemple, pour les jeux vidéo, beaucoup d'applications en inspection industrielle, évidemment, aéronautique, conception, prototypage, contrôle de qualité dans l'industrie automobile, dans l'industrie aéronautique et dans toutes les industries là où il y a manufacture, où on manufacture en masse là, des produits dont il faut vérifier la conformité par rapport à un plan. Et de manière générale, qu'est-ce qui fait la force justement d'utilisation de la 3D, comme outil au bout du compte? Ben, la force, c'est que si on prend une caméra classique, comme on peut avoir sur notre téléphone cellulaire intelligent ou sur un appareil photo, ben, c'est qu'on a l'apparence des objets, l'apparence des scènes, hein? Mais on n'a pas la géométrie. Alors, que les capteurs 3D, qu'ils soient dans le domaine médical, par exemple, on pense à la résonance magnétique, ou des capteurs 3D par triangulation laser qui nous permettent d'avoir des informations sur la surface, ben, ce qu'on a, c'est la géométrie. Donc, on a les dimensions des objets, leur forme géométrique, et donc des caractéristiques que les caméras 2D, là, des caméras en couleur ou des caméras noir et blanc, nous permettent pas d'obtenir facilement. On peut obtenir la géométrie à partir des caméras classiques, mais beaucoup plus difficilement et avec beaucoup plus d'efforts qu'avec un capteur qui nous donne directement cette information-là. Puis évidemment, c'est difficile de parler de 3D sans mentionner toutes les possibilités offertes, notamment par la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Oui, tout à fait. En fait, au cours des dernières années, je dirais les 5, 6, peut-être les 10 dernières années, on assiste à une convergence des domaines de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée et de la vision artificielle, parce que maintenant qu'on peut partager du virtuel avec du réel, dans des applications de réalité augmentée, ben à ce moment-là, tout l'intérêt de la technologie 3D, ben est décuplé parce qu'on peut évidemment que lorsqu'on parle d'environnement virtuel, ben c'est immersif, donc on a l'impression d'être dans un vrai environnement avec une perception 3D. Donc si on peut mettre des objets 3D capturés par des capteurs 3D dans ces environnements virtuels-là, ben on a une partie de réalité qui est partagée par l'utilisateur avec ce qui est fictif finalement. Par contre, la réalité augmentée où on a à la fois du réel et du virtuel, c'est très, très difficile. C'est beaucoup plus difficile que la réalité virtuelle classique et que la vision artificielle prise séparément de la réalité virtuelle, par exemple. Et le fait qu'on en soit rendu à réfléchir à des possibilités comme celles qu'on vient d'exposer, ça montre bien aussi à quel point, j'imagine, depuis 10, 20 ans, à quel point la recherche a progressé, à quel point les outils technologiques aussi ont progressé là, quand on parle de 3D. Oh oui, ça, c'est certain. Moi, quand j'ai commencé... à la maîtrise et par la suite au doctorat, les capteurs 3D qu'on avait, c'était des capteurs laser qui capturaient un seul point à la fois. C'était pénible, c'était long, c'était pas très précis. Maintenant, par la suite, on a assisté à l'avènement de capteurs 3D performants, mais qui permettaient pas encore de fonctionner en temps réel. Mais là, maintenant, aujourd'hui, avec on voit la Kinect, mais il y a d'autres capteurs comme ceux qu'on a mis au point au cours des dernières années, là, qui ont été transférés à l'industrie, ben, qui permettent de faire de la capture de données 3D en temps réel. Donc, c'est tout à fait différent, là, la donne change complètement parce qu'à ce moment-là, ben, on peut capturer la géométrie pendant que la scène change dynamiquement, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et aussi, parmi les projets que vous avez réalisés, on parle d'initiatives qui sont en lien avec le milieu des arts et du patrimoine, parce que le laboratoire a été engagé dans le développement notamment de la technologie qui est utilisée par Créaform. Oui, en fait, effectivement, au cours des dernières années, il y a mon collègue Patrick Hébert qui s'intéressait à des capteurs 3D tenus en main. Donc, comme on pourrait tenir un appareil photo, mais qu'on peut bouger pendant la capture de données, il s'intéressait à ça depuis plusieurs années. Et puis ici, avec Patrick, on a dirigé un étudiant gradué dont le nom est Dragan Tubish, qui a mis au point une méthode de modélisation 3D qui permet d'intégrer les données là, rapidement et de manière précise. Et ça a amené à une invention qui a été transférée à l'industrie par la suite. Et l'industrie en question, c'est la compagnie Créaform là, de Lévis qui a pris cette technologie-là de laboratoire, qui en a fait un produit commercial à succès, qui se vend très, très bien et qui est utilisé dans toutes sortes de domaines, dont ceux dont on a fait mention en début d'entrevue. Et donc, en fait, c'est un outil qui change aussi les possibilités qu'on peut offrir dans la modélisation. Enfin, on n'a plus besoin d'amener l'objet au scanner. On peut simplement amener le scanner à l'objet au bout du compte. C'est ça. Exactement, parce que une des difficultés, c'est que si vous allez, par exemple, scanner des objets d'art rares, ben c'est assez rare que vous pouvez les transporter chez vous et dire « je vais le scanner et je vais vous le retourner ». Alors, il faut aller sur place. Et la technologie que Créaform 20 et qui avait été initialement développée dans notre laboratoire, c'est que ça permet de voir en temps réel ce qu'on est en train de numériser. Un peu comme anciennement les Polaroids et maintenant les appareils photo intelligents de nos téléphones portables, ben, on prend une photo et on voit tout de suite le résultat, il n'y a pas de développement, il n'y a rien. Alors avec la caméra tenue en main, vous allez sur le site, vous voyez ce que vous êtes en train de numériser et si vous avez oublié certaines parties des objets, ben, vous pouvez tout de suite le constater. Ce qui n'était pas le cas auparavant, où vous allez prendre une photo, vous revenez chez vous, puis vous dites « Ah, on a oublié de numériser avec assez de précision cette partie-là de l'objet. Il faut y retourner et ça marche pas. » Si c'est dans un autre pays, ça engendre des frais significatifs. Et finalement, on n'atteint pas le résultat espéré. Et ça, c'est un exemple qui peut être appliqué donc au niveau culturel, au niveau du patrimoine. Quand on parle de 3D et quand on parle des projets développés au laboratoire de vision et systèmes numériques ici à l'université, parallèlement, peut-être, Monsieur Laurendeau, quelques exemples aussi d'initiatives qui sont développées en lien avec la 3D, mais dans le domaine de la santé. Ben, dans le domaine du 3D en santé, des applications intéressantes qu'on a développées ici, c'est plus en rapport avec l'imagerie médicale, par contre, pas avec des capteurs tenus en main sur la géométrie, quoique dans les prochaines années, on a des plans pour développer ces applications-là. Mais par le passé, notamment avec l'analyse d'images de résonance magnétique, tomographie, ultrasons, on a développé des applications, par exemple, de cryothérapie de tumeurs du foie par simulation et par modélisation géométrique du foie et des tumeurs avec l'analyse d'images de résonance magnétique. On a aussi récemment développé avec un collègue de génie mécanique, Philippe Cardou, une application pour modéliser la forme géométrique de la prostate pour développer un système de simulation de la cryothérapie de la prostate qui consiste à aller insérer des petites sources radioactives dans la prostate qui vont détruire les tissus malades, mais qui vont rester là après l'opération parce que les matériaux sont biocompatibles. Donc, on est en train de développer un système haptique qui permettrait aux radio-oncologues de s'exercer à cette opération-là qui est assez délicate, mais sans avoir de sujet humain devant lui. C'est entièrement simulé. Donc, en fait, on rentre un peu dans une certaine réalité virtuelle. Dans le fond, on reproduit virtuellement des contextes d'opération et on donne la possibilité aux gens d'interagir avec les objets qu'on a mis dans cet univers-là. Oui, tout à fait. Et on interagit avec les objets non seulement de visuellement, mais aussi d'un point de vue mécanique. Là, on a la biomécanique des tissus mous, comme la prostate ou le foie, et ça réagit en simulation. Donc, quand je parlais de convergence de la réalité virtuelle avec la vision artificielle, il y a aussi la simulation là, qui se mêle de ça et qui nous permet là, d'avoir des environnements parfaitement simulés qui recréent la réalité presque sans frontières. Vous avez aussi des projets de 3D qui sont liés à la conduite automobile, notamment un projet de recherche qui pourrait avoir un certain impact sur la réadaptation. Oui, en effet, avec des collègues du laboratoire Gram, Normand Thésdel et Martin Simoneau, on travaille sur l'analyse du comportement céphalo-oculaire des conducteurs dans un simulateur de conduite automobile. Alors, l'intérêt de ça, c'est de vérifier si les personnes effectuent les bons gestes lorsqu'ils sont confrontés à des situations de conduite là, courantes, mais quand même qui peuvent être dangereuses, comme le changement de voie, par exemple, l'évitement d'obstacles le long de la rue, le franchissement des intersections à quatre stops, par exemple. Alors là, il y a des vérifications qu'il faut faire lorsqu'on effectue ces manœuvres-là, comme la vérification de l'angle mort, la vérification des rétroviseurs. Et il y a des personnes qui, avec le temps, oublient ces comportements-là, qui peuvent donc, en les oubliant, devenir problématiques et causer des accidents ou, en tout cas, des situations potentiellement dangereuses. Donc, notre objectif, c'est de développer non seulement des méthodes qui permettent d'analyser le comportement des yeux et de la tête du conducteur en simulateur, donc ce qui est sécuritaire parce qu'il n'y a pas de vraie conduite, mais aussi de mettre au point des programmes de réentraînement basés sur l'exemple. Si vous avez, par exemple, fait 3 erreurs ou 4 erreurs sur un parcours, ben on peut retourner, grâce aux technologies qu'on a développées, aux endroits où vous avez fait les erreurs, expliquer ce que vous avez mal fait et vous dire ce qu'il faudrait bien faire. Donc, c'est prêcher par l'exemple ou enseigner via des exemples concrets sur la personne qui a elle-même fait les erreurs, ce qui est quand même un renforcement beaucoup plus grand que simplement d'avoir un cours magistral sur ce qu'il faut faire lorsqu'on change de voie, par exemple. Et à travers les exemples qu'on a mentionnés au cours de cet entretien-là, ben je pense qu'on voit bien justement les possibilités qu'offre la 3D présentement. En terminant, Denis Lorando, si on en regarde vers l'avenir, est-ce qu'on a l'impression que la 3D va prendre de plus en plus de place? Est-ce qu'on a l'impression, à la limite, que ça pourra devenir un outil applicable non seulement dans des situations très spécialisées, mais peut-être même dans la vie de tous les jours, là? Oui, vous connaissez Facebook? Oui. Combien d'utilisateurs dans le monde? 800 millions. Imaginez 3D. Oui. Donc, les possibilités sont assez phénoménales. Donc, c'est un médium qu'il faut continuer de surveiller, qu'il faut continuer de développer. Là, c'est certain. Oui. Parfait. Merci beaucoup, M. Lorando, directeur du laboratoire de vision et systèmes numériques. Merci de nous avoir parlé ce matin. Au plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir. M. Lorando est également professeur au département de génie électrique et génie informatique de l'Université Laval. Et puis peut-être, Raymond, en terminant, rappeler la conférence. Oui, en fait, c'est donc le jeudi 8 mars de 11h30 à 13h30. C'est sur inscription seulement. Il y a un léger coût également. On peut avoir un peu plus d'informations sur l'activité sur itis.ulaval.ca. Et parallèlement, si vous avez envie aussi d'avoir un peu plus d'informations sur le laboratoire de vision et systèmes numériques dont il était question ce matin, mais sur le site de l'ITIS, allez dans la section recherche et expertise et vous devriez être en mesure de retracer les hyperliens vers le laboratoire là, assez efficacement. Excellent. Merci beaucoup. Raymond Poirier, chargé de communication à l'Institut de technologie, information et société ici à l'Université Laval. Merci encore ce matin. Ça me fait plaisir.